Katou, je suis avec Nio et Nelson. Coucou. Alors cette semaine, on a un petit peu tout dans le genre. On aura d'abord The Last Man on Earth de Hubal Doragona et Sidney Salco. Enfin, officieusement Hubal Doragona et officiellement Sidney Salco. On aura ensuite Two Guns de Balthazar Kormakur avec Nelson. Cormaco. Cormaco. Kormakur, bah QUR à la fin. Ouais, tu dis Cormaco. Kormakur. Ça fait un peu penser à Cornaco, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que c'est Kormakur. Ensuite, on aura Vendetta, mais juste Vendetta, qui peut être, voilà, un des nombreux films qui s'appelle Vendetta, de Gian et Silvia Sosca. Ensuite, on aura Ah, c'est le sur social. oui. Ensuite, on aura Le Survivant de Boris Sagal, aussi appelé Omega Man, avec Charles Voilà. Johnson. Et nous finirons par L'Ultime Sacrifice de Todd Robinson, puisque Christopher Plummer est mort et que c'est son dernier rôle. Rest in peace. Voilà. C'est aussi le dernier rôle d'un autre acteur qui est mort aussi, mais je le dirai plus Oh tard. là là. Voilà. Donc, on va commencer par The Last Man on Earth de Hubal Doragona et Sidney Salco avec Hello, hello. Eh bien, effectivement, merci Katou pour cette introduction. Donc, The Last Man on Earth, c'est un film avec Vincent Price, qui est adapté du roman Je suis une légende de Richard Matheson. Comme Katou l'a dit, le film est tourné par deux réalisateurs. Ubaldo Aragona, qui n'est pas mentionné officiellement, et Sidney Salco, qui lui est effectivement mentionné dans le générique dès l'ouverture du film. Donc on va revenir un peu sur Je suis une légende, puisque justement on parlait de deux des adaptations, deux des trois adaptations. Alors, on va essayer d'éviter la troisième, par contre. Il y en a qui se marrent, ils ont peut-être vu, je comprends pourquoi. Ouais, je l'ai vu aussi, ouais. Voilà. Donc, c'est un roman à la base de Richard Matheson qui est paru en 54, qui est depuis considéré comme partie des indispensables de la science-fiction, de la fantastique, de l'horreur. Il est un peu à la croisée des genres, puisqu'il mélange justement la science-fiction avec une pandémie qui a décimé un peu toute l'humanité, et avec le côté, il est aussi la frontière du fantastique et de l'horreur, puisque les créatures humaines qui ont survécu à la pandémie sont transformées en des vampires. Ou du moins ça y ressemble, mais ils ont besoin du sang de n'importe quelle créature. Ouais, c'est ça en Donc, fait, quand tu regardes, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est exactement ça, moi ça m'a surpris en fait, c'est entre le vampire et le zombie, c'est-à-dire que ça bouge comme un zombie, mais ça a besoin de sang comme un vampire, c'est très curieux. en fait, non, le zombie, c'est une trahison totale. C'est une trahison totale. Mais on va y venir, on va y venir. Donc c'est un roman de Matheson, donc qui date de 54. Et il faut savoir que même si le roman ne va être adapté que plus tard, en 64, donc avec Vincent Price, il y a un film qui est un peu tombé inaperçu mais qui a été redécouvert entre-temps, qui s'appelle Le Monde, la chair et le diable, The World, the Flesh and the Devil, de Ranald MacDougall, qui est Harry Belafonte, ainsi que Mel Ferrer et Inger Stevens, les trois protagonistes principaux, et c'est une histoire assez similaire. Alors, Le Monde, la chair et le diable sort en 59. Et c'est basé sur une nouvelle de Matthew Phipps-Shill. Donc rien à voir avec Matheson. Avec Matthew Phipps-Shill qui a vécu de 1880 jusqu'en 1947. Hein. Donc c'était carrément le siècle d'avant et qui parlait d'une espèce de nuage bizarre qui aurait infecté les gens qui doivent tuer. Dans Le Monde, la chair et le diable, c'est le péril atomique qui est mis en demeure. Et il y a Ralph Burton, qui est un mineur afro-américain, donc joué par Harry Belafonte, qui est un noir. Il sort d'une mine et s'aperçoit, paniqué, quand il revient à New York, qu'il n'y a plus personne. Tous les humains ont littéralement été liquéfiés, tout ça. Et après, le film va développer, il va s'apercevoir qu'il y a une femme dans New York et il y a aussi un autre homme qui est blanc. Donc le film va poser le problème du racisme, etc., dans un cadre de science-fiction. Et en 59, c'est déjà hyper avancé. Enfin, voilà, c'est un film à redécouvrir. Voilà. On revient à Jésus une légende, qui est donc assez proche. Mais qui va avoir son film, son propre film, donc en 64, avec Vincent Price. Donc le film des Falco qui a tourné. À part Vincent Price, il n'y a pas vraiment d'acteurs connus. Et on peut dire honnêtement que c'est Vincent Price qui porte le film sur les épaules. D'ailleurs, voilà, le film, beaucoup de gens disent que le film il est assez fidèle à l'œuvre de Matheson. J'ai envie de modérer un peu les propos. D'ailleurs, j'ai relevé pas mal de choses qui m'ont un peu énervé. Il y a pas mal d'incohérences, notamment si notre ami Vincent Price, le docteur Robert Morgan, est le seul survivant et qui ne peut pas sortir à la nuit parce qu'il y a les créatures qui rôdent. Il y a un charnier à ciel ouvert qui continue de brûler. Lui, il se lève le matin, il va mettre les corps qui sont devant sa maison dans le charnier. Ok, alors qui c'est qui a allumé le feu dans la nuit? Bon, il y a encore l'électricité. Tout est parfait, encore l'électricité, alors que ça fait 3 ans que le monde ne tourne plus. Voilà. Il arrive à trouver dans une chambre froide où il y a encore de la viande, de l'ail, des oignons, bon état, etc. C'est assez rigolo. Parce que même dans une chambre froide, c'est même pas un congélateur, c'est une chambre froide, on est d'accord. Donc au bout de 3 ans, bon, voilà. Alors déjà aussi, c'est pas des vampires, c'est des espèces de zombies, etc. Ils se déplacent très lentement. Et c'est de là que vient l'erreur principale que le film de 2007 avec Will Smith m'a reproduit, mais que ne reproduira pas le film de 71 avec Charlton Heston. Donc là, c'est l'espèce de zombie, tout ça, etc., mort-vivant. Parce que on peut comprendre que le vampire appartient à la famille des morts-vivants. Étymologiquement, le vampire, c'est un mort-vivant. Son corps est inerte et mort, et quand il revient à la vie, il a besoin du sang. Mais avec le temps et l'évolution de la créature du mort-vivant, si on se base par exemple sur Vaudou, où on a déjà Charles Tourneur, où on a déjà le premier zombie filmé à l'écran dans les années 30, ça a pris une direction. Le mort-vivant désigne dorénavant, depuis Romero, depuis le tournant de Romero, qui a été un peu d'ailleurs inspiré par l'esthétique de Last Man on Earth, et c'est en 68, 68, 69, je crois, le tout premier film de mort-vivant de Romero. Ça C'est devient 68. ouais, ça devient des créatures donc hyper lentes, etc., mais qui restent très dangereuses puisqu'elles continuent de se multiplier et elles sont toujours aussi lentes, on n'arrive pas forcément à leur échapper à la fin. Donc voilà. Alors, la musique est omniprésente, etc., pour tous les moments. Vincent Price, il dort, t'as la musique. Vincent Price, il va faire caca, t'as la musique. Tu dis, wow, c'est bon là, on se calme. C'est une coproduction fauchée et ça se voit malheureusement à l'écran. Parce qu'en fait, le film, personne ne voulait le faire. Et donc, c'est Vincent Price qui a mis un peu des sous de lui-même pour coproduire, etc., le film. Et ça ne s'est même pas tourné en Amérique. C'est une coproduction américaine et italienne, mais qui s'est tournée complètement en Italie. Ah, c'est peut-être pour Et ça qu'il n'est pas au générique, parce qu'en fait, ça doit être un réalisateur italien. Et c'est qu'à mon probable. Là, avis, je... pour l'époque, ça devait mieux le faire de mettre un réalisateur Pour les scènes américain. de cours, peut-être aussi, ouais. J'y vais. Mais du coup, voilà, on voulait nous faire croire que c'est en Amérique parce que voilà, il y a un surprise. Mais on voit les décors, on voit l'architecture un peu mussolinienne avec les colonnes, tu fais non. Et surtout, tu vois un château d'eau en arrière-plan à un moment, château d'eau que tu peux voir il y a 2 ans plus tôt dans le film L'éclipse d'Antonioni, qui représentait un peu le péril atomique en fond en ouverture du film et à la fin du film, qui est un peu inquiétant dans l'éclipse. Donc voilà. C'est assez surprenant. Qu'est-ce qu'on peut d'autre après? Bon, Vincent Price est appliqué, hein, il est impliqué dans le film. C'est un peu normal, puisque le projet le touche beaucoup. Il a adoré le bouquin, il va le mettre, voilà. Le problème, c'est que Vincent Price, à part la dernière demi-heure du film, on sent qu'il est impliqué, mais pas trop, tout ça. Peut-être que le voyage en Italie a été compliqué, il mange mal. Bon, c'est bon. Voilà. Le On budget parle est anglais en lourd. Italie. Hein. Pas, Bah, il est pas écoute. au top de sa forme. Ouais, il est pas au top. Le petit budget s'en ressent. Si on regarde bien, on peut même voir l'ombre de quelqu'un dans le champ, voire même un bout de perche un peu au loin, quand on met les pauses très vite pendant 2, 3 secondes. Donc on comprend que c'est pas une équipe très expérimentée. Les cadrages par moments sont médiocres, tout ça, etc. Et surtout, le rythme est mou. Le rythme est très très mou, etc. Alors par contre, il y a des petits points positifs. Dans le roman de Matheson, la pandémie n'est pas trop explicitée ouvertement. Et Matheson préfère s'attarder sur l'histoire de la survie de quelqu'un, comment il fait pour survivre, etc., dans ce genre de situation. Là, on a un peu d'explication avec une espèce de vent qui aurait... Bon, c'est le péril atomique qui rôde un peu, parce que c'est une espèce de vent qui aurait dépouillé, qui aurait dispersé une espèce de pandémie. Donc là, même là, tu mets des masques chirurgicaux, ça marche pas, autant mettre des masques à gaz. Mais bon, c'est un peu trop tard à ce stade. vu que le fameux vent qui vient d'Europe, donc en fait toute l'Europe elle est dessinée avant l'Amérique, tout ça, eh ben il se déplace, il arrive en Amérique, et bon bah les services publics ils ont du mal, l'armée a du mal, les lois martiales déclarées, on emmène les gens qui ont les premiers symptômes dans des camions pour les brûler, tout ça. Ambiance, quoi. Et ça, c'est un truc assez intéressant, j'ai trouvé, pour un film de cette époque, justement. Que dire de plus encore, voilà. Honnêtement, ça se regarde, sympathique. Ah oui, et puis encore un petit truc du budget. À un moment, il va dans une armurerie, dans un bâtiment, et il prend des grenades pour échapper aux gens qu'il poursuit. Parce qu'il n'y a pas que l'espèce de zombies. Mais ça, je n'ai pas trop dévoilé le roman, etc. Peut-être que j'en parlais un petit peu au moment du survivant. Et il balance des petites grenades, et puis en fait, c'est des mini pétards qui font un petit feu dessus. Ouf! Putain, le budget! C'est Voilà. vrai que dans l'ensemble, ça fait un peu cheap. C'est très cheap. Donc, voilà, les gens qui disent oui, c'est hyper fidèle, etc., etc. Alors, oui et non. Comme je l'ai dit, non, les zombies, etc., qui ont juste le côté vampire parce qu'ils peuvent boire un peu le sang, et puis ils ont un peu peur de l'ail, etc., ils osent pas trop se regarder dans le miroir. Bon, voilà. Dans le roman, il y avait un truc assez marrant, c'est qu'il y a son voisin qui cherche à le buter depuis un moment, le héros. Et le voisin en question, il est d'origine juive. Donc lui, la croix, ça lui fait rien du tout. C'est le symbole de la Torah qui me fait peur. Là, c'est marrant parce que Richard Matheson, il se base sur les premiers mythes du vampirisme où le vampire aurait renié la foi chrétienne, etc., etc. Donc il pose la question, et un vampire qui aurait une autre foi? Eh ben, ça marcherait avec une autre foi. C'est un détail marrant qui est dans le roman, qui n'a jamais été reproduit dans les films par la suite. Mais voilà, c'est tous ces petits détails que tu reverras pas dans le film. Donc voilà. Donc fidélité au roman de base, dans l'essence, pour présenter un monde un petit peu disparu, oui et non, parce que c'est mou, il n'y a pas de rythme, on sait pas, c'est des zombies, oui mais non, c'est des vampires, oui mais non, etc. Donc bon. Il n'y a que la dernière demi-heure qui arrive à être attachée un peu au roman. Et pour info, Matheson a travaillé sur le film. Il a pris un pseudo, et parce qu'il voulait quand même que son bouquin soit respecté, il a pris un pseudo, mais quand on voit le résultat, il faut avouer que Matheson avait ouvertement dit qu'il n'avait pas supporté du tout Vincent Price. Pour lui, Vincent Price ne collait pas du tout au rôle. Alors que Charlton Heston, physiquement, colle beaucoup plus au rôle pour Vincent Matheson. Par contre, quand on voit les deux films, à la suite en plus, autant Vincent Price, il colle plus, pas physiquement, mais plus dans l'aspect scientifique. Autant Charlton Heston, il a peut-être le physique, mais par contre, c'est super Charlton. C'est Schwarzenegger avant l'heure, quoi, tu fais. Ouais, bon. Ben oui, c'est le héros américain, quoi, tu vois. C'est ça, c'est ça. Mais on va y revenir, j'ai trouvé le survivant beaucoup plus cool à voir et qui assume totalement la série B, science-fiction, etc. On va y revenir. Tout ça, pourquoi? Parce que Charlton Heston, il adorait le roman, mais il n'était pas au courant qu'il y avait eu un film avec Vincent Price quelques années auparavant. Donc, il a pu faire son film, Le Survivant, totalement dégager toutes les contraintes. Mais on va y venir, on Zéro va y venir. Ouais, on n'a rien à foutre. Et d'accord. ouais, c'est ça qui fait que le film il est beaucoup plus cool. D'accord. Voilà. Donc là, c'est un peu parler de Last Man on Earth. On y reviendra forcément pour Le Survivant, vu que ça se base sur le même bouquin. Mais voilà, j'arrête ici. Donc la séance du gno a été bof bof pour ce premier film. Bah, Voilà. Nelson, tu nous parles de Two Guns, puisque maintenant on sait que t'es très attaché à Mark Wahlberg, en fait, Ah, depuis Marc, ses... Marc. Mais Marc qui oui. marque mon amour. Ouais. Marc qui marque mon amour. Donc, Two Guns. Alors, c'est curieux parce que, comme j'avais dit, comme j'avais vu, pardon, sur Netflix, Alors non, c'est je viens de sorti avec le vérifier, en fait, t'as titre. la vue basse. Va chier. Mais Non, mais c'est vrai, c'est marqué 2013! non, il y avait marqué 2018. Oh! Je Bref. il y a peut-être une autre version, non? Non, Peut-être. Non, non, non, non, non, justement, c'est bien celui que j'avais vu, mais bon, bref. Donc, réalisé par Balthazar Cormacur, Balthazar Cormacur. voilà, qui est un Islandais, en fait. Un réalisateur islandais dont je ne connais aucun des films en fait. à part peut-être Crime in the City, mais je ne savais même pas que c'était lui, c'est ça pour dire. Moi, ça me dit rien. C'est un film de 2005. Et donc, Top Guns, c'est deux agents, en fait, c'est deux mecs, deux truands, qui vont au Mexique pour aller voir un gros bonnet de la drogue, et il lui propose une somme d'argent, enfin, c'est par Denzel Washington, qui va voir donc, le grand pote de la drogue, et il lui, normalement, pour une. Il avait proposé un deal de passeport et contre de la drogue. Et puis finalement, le vieux, il lui dit non, non, tu reprends ton truc, je ne te dealerai pas de la drogue. Et donc, il se retrouve avec des passeports qu'il doit refourguer, etc. Et donc, il rentre aux États-Unis. Et en fait, avant de rentrer aux États-Unis, il dit ah, bah tiens, il y a un petit bled paumé. Genre le bled paumé de Cambrousse à la frontière mexicaine, si on allait essayer de le braquer pour se faire de la thune, c'est là-dedans que ce baron de la drogue, il cache la thune, etc. Bon. C'est normal. Voilà. Et en fait, ils font le casse, ils s'aperçoivent qu'il y a plus de thunes que prévu. Et en réalité, ils se font arrêter à la frontière. Quand ils se font arrêter à la frontière, eh ben, Denzel Washington, en fait, c'est un agent de la DEA. Et il est en, comment on appelle ça, en machin, merde, en cover. Il est en couverture, c'est un agent de couverture et tout. Et donc, moi, je me suis dit, tiens, il va essayer il essaie d'arrêter Mark Wahlberg, en fait, tu vois, dans le film, parce que Mark Wahlberg, c'est aussi un petit truand et tout. Et en fait, non! Mark Wahlberg, eh ben, c'est un agent pardon, un militaire, donc là dans il y a des trucs, c'est un cible, et qui est en opération de couverture lui aussi pour démanteler le méchant dealer de baron de la drogue, etc. qui ramène des Alors, en fait, c'est pas saloperies tout dans Guns les qui dit rues. que c'est tout cover, quoi. Ouais, en fait, ils sont tous en couverture et ils arrivent plus à se distinguer les uns des autres. Ouais, ça se trouve, le méchant est en couverture aussi. C'est ça. Voilà, sauf que, comment il s'appelle, Denzel Washington, il prévient sa direction en disant, voilà, tel jour, à telle heure, on va te faire un casse, vous venez, vous nous interceptez, vous m'embarquez, le petit, vous le collez en prison, et moi, c'est bon, ma couverture, elle saute. Et en fait, Denzel Washington, il va faire le casse, et en fait, personne ne vient. Personne ne vient, et donc lui ne comprend pas, et surtout avec plusieurs millions de dollars qui appartiennent Parce à qu'ils ont mis un la vu drogue. sur leur message Facebook, en fait. Voilà, c'est ça. Vu. Pas de réponse. Et en fait, en creusant un peu plus dans le film, on s'aperçoit que eh ben, Mark Wahlberg, en fait, c'est un agent infiltré. Ce film n'est pas intéressant. Ce film est vraiment plat, tout est devinable à l'avance, les interactions avec les personnages, tu sais ce qui va se passer, c'est-à-dire que tu vois la bonasse du FBI se pointer, tu sais que c'est Denzel Washington qui se la tape, tu sais que Denzel Washington, son rôle, c'est toujours la même chose depuis American Gangster, il y a toujours cette espèce de dégaine de kéké, un coup je parle espagnol, regarde l'assurance de comment je parle espagnol, oh, un coup je parle bien, je parle anglais slang, un coup je machin, toujours des personnages qui se la racontent, ils changent plus de registre depuis American Gangster. Comment il s'appelle, Mark Wahlberg, c'est le pauvre petit agent qui est manipulé par sa hiérarchie. Parce que sa hiérarchie, en fait, elle est au courant d'une caisse noire qui appartient à la CIA et que donc ils veulent que ce soit lui qui a récupéré cette caisse noire pour après il se fait tuer et plus personne n'entend parler ni de la caisse noire ni de ce mec. Et voilà, c'est le pauvre petit innocent qui va se battre pour son innocence. Ben, putain, ça change plus depuis. Merde, j'ai oublié ce film, putain. Bref, ah merde, j'ai un truc de mémoire. Bon, c'est pas vraiment, en tout cas, ce genre de personnage trahi que Mark Wahlberg joue bien, mais un peu trop bien, parce que ça fait 4-5 ans qu'il joue le même type de perso. Ouais, moi Putain, je pense merde. qu'ils ont besoin filtrés de Scorsese là en ce moment-là. Aussi, et franchement, il n'y a rien d'intéressant dans ce film. Toutes les séquences, tu les vois arriver, tu sais très bien que quand ils vont se voir les deux après s'être trahis mutuellement, eh ben d'un coup, tu sais qu'il va y avoir les hommes des Nevisiv qui vont se pointer, et les mecs du cartel de la drogue qui vont se pointer aussi. Putain, non, c'est vraiment, enfin franchement, c'est digne d'un DTV, quoi. Ça a aucune originalité, c'est digne d'un DTV. Mais jusque dans la photo, c'est prévisible. Tu sais dans quel décor t'évolues. Il y a rien de y a rien à retenir de bon, franchement. Je me suis fait chier. Je me suis vraiment fait chier, et c'est dommage parce que je pense que je vais vraiment arrêter de regarder des films de Denzel Washington, parce que même Equalizer, c'est pareil. Tu vois, j'ai pas vu le 2, j'ai pas voulu voir le 2 parce que je m'attendais à quelque chose, enfin je m'attendais à rien en fait de ce que j'avais déjà vu avant. Et c'est vraiment dommage parce que putain, Denzel Washington, c'est un acteur que j'aimais beaucoup, mais là ça me casse les couilles, quoi. Je pense que je commence Bonne à faire porte une sa retraite en séparation ce moment. entre trucs, quoi. Mais non, mais tu sais, même, il a 60, putain, il a plus de 60 piges, mais il continue à faire ce genre de rôle-là. Ou putain, Alors, tu en sais, un 2013, truc. attends, en 2013, il avait quand même un Ah merde, non, t'as raison. Fais chier toi aussi, j'oublie que c'est en peu 2013. Non, mais comment dire? D'accord. Déjà, d'accord. Il a le pas à cet âge-là, à cette époque-là. Mais putain, c'est pareil pour Equalizer, c'est pareil pour Equalizer 2, c'est pareil. Ça me saoule, quoi. Autant Man on Fire, j'aimais bien ce genre de personnage-là, tu vois, où il était un peu torturé, etc. Où il jouait pas les kékés. Autant depuis American Gangster, ça me casse les couilles. Voilà. Et voilà. Et donc, malheureusement, Le franchement, charme est rompu. il est facilement oubliable, ce film. Tout est devinable à l'avance. Donc, franchement, Même je pense qu'il a perdu même sa avec le chance. charme de Marquis, en fait, ça n'a pas réussi à te convaincre. Non, ça a pas accroché, ça a pas accroché. Parce que franchement, très honnêtement, moi, dès que j'ai vu la bonasse du FBI se pointer, j'ai dit ok, c'est Washington qui se la tape. Ok, il va tenter de négocier sa sortie de piste sans se faire Quand niquer. tout est Ok, calme. il va se passer ça. Ouais, il y a un cahier Voilà, des tu sais charges, qu'à quoi. la fin, mais même la fin, quoi, tu sais très bien que Mark Wahlberg, il a pas fait péter les 48 millions, il en a laissé un petit peu, parce que de toute façon, voilà, on va rester dans une morale. C'est de l'argent sale, donc ils l'ont quand même. C'est de l'argent qui a été détourné. Honnêtement, non, malhonnêtement, de milliers de pauvres qui ont acheté de la drogue, donc on va quand même se les garder pour notre gueule. Allez vous faire foutre, quoi. Franchement, manger de la merde, La c'est violence, vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Et franchement, aisément oubliable. Donc, perdez pas. Je sais pas moi combien c'est, je crois c'est 1 heure et demie de ma vie, j'ai dû paumer ou un truc comme ça. Attends, je mate 2 secondes, tac. Ouais, 109 minutes, je sais pas combien ça va faire. Mais bref, perdez pas ce temps-là. Regardez d'autres exactement, films. environ. Franchement, autant Spencer for Hire, même si le personnage du Renoir Hawke, il était transparent, tu te marrais quand même un peu. Autant celui-là, je me suis fait chier. Donc regardez Spencer for Hire si vous voulez, mais moi, matez pas ce truc-là, quoi. Voilà, c'est Ok, tout pour moi. c'est pas La mal, prochaine Dark fois, ça va aller Knight. beaucoup plus de 70 de science-fiction comme moi, et puis voilà. Voilà, exactement, exactement. Allez, ciao tous, ciao tous. Alors, moi concernant, donc, on passe à Vendetta de Jen et Sylvia Soska. Wouh! Je vous mets le pitch. C'est, alors attention, Mason Danvers est flic. Il a une magnifique femme, mais ils n'ont toujours pas d'enfant. Quand enfin elle tombe enceinte, elle se fait massacrer par un criminel sans pitié que Danvers venait d'arrêter, mais qui avait été relâché. Là, notre Chelou, fille qui... ça ressemble à Max Payne. Attends, attends, attends! Là, Je chut, ah! Là, notre figue verteuse pète un câble, se coupe les cheveux et va tuer le frangin du criminel, ce qui l'amène en prison. Là, la même où le criminel qui a tué sa femme est de nouveau incarcéré. Justement pour Wow. avoir tué sa femme. Voilà. Donc les réalisatrices, en fait, elles sont ces deux jumelles qui avaient débuté une carrière d'actrice, et puis finalement elles étaient tellement déçues par ce qu'on leur donnait à faire tout le temps les mêmes rôles stéréotypés de jumelles que voilà, elles ont décidé de faire autre chose. Et donc elles ont fait une école de ciné, je crois, je sais plus laquelle. Et leur tout premier film. Qui avait un rôle assez sympa, un titre assez sympa qui s'appelle Dead Hooker in a Trunk. Je crois que ça devait l'air pute morte dans un coffre. En fait, bah, d'une manière générale, en fait, elles font dans le genre, en fait. Elles sont très marquées par le genre, elles sont fans de Rodriguez, Cronenberg, voilà. Donc elles sont très marquées par tout ce qui est cinéma de genre, elles sont un peu à fond dedans, et c'est réellement un atout, en fait, pour le film, justement. Elles ont été d'abord embauchées par la VVE, en fait, pour reprendre une franchise qui a été laissée de côté par le studio. Parce que après Dead Hooker in a Trunk, elles ont fait un film qui s'appelait American Mary, qui avait été remarqué aussi. Et là, elles ont fait un petit segment pour ABC de la mort 2. Un segment qui a été en plus censuré en Allemagne. Donc moi, j'ai pas souvenir de leur segment, donc je sais pas si j'ai vu la version allemande ou pas. Et donc là, juste après, la VVE les contacts pour reprendre la franchise de Sinoéville pour qu'elle fasse le 2. Et elle, comme elle voulait prouver qu'elle pouvait travailler au sein d'un studio et tout, elles l'ont fait. Ça s'est super bien passé. Et donc, elles ont empilé avec les studios de la VVE, donc l'organisme de catch, hein, pour faire Vendetta. Et donc dans Vendetta, on a forcément un casting assez sympathique. Alors attends, oui, concernant le Vendetta, justement, c'est leur premier film d'action et à un moment ils pensaient faire même une suite, hein, mais bon, apparemment c'est pas resté dans les projets. Donc comme on a dit, là, elles ont fait un remake de Cronenberg, Rabbit, c'est leur dernier film. Sur le scénariste, par contre, c'est le premier scénario et ça se voit. Allô? Oui, là on D'accord. voit ses paroles. Voilà, j'entendais pas ça, vous l'avez dit, vous m'avez fait peur. Mais là Donc on voit ses paroles, on dit plus rien. le scénariste, ouais, ça s'appelle Justin Chadi, c'est le premier scénario qu'il a fait, et il nous a pondu un truc très très basique. Enfin voilà, j'en parlerai après, mais c'est dommage. Au casting, on a Dean Cain, alias Superman des années 90 de Lois et Clark. Donc un Ah super. ouais. Ouais, un Dean Cain vieillissant qui a plus de 50 ans maintenant, enfin qui devait avoir 50 ans à l'époque ou je sais plus, enfin pas loin, qui joue le rôle de ce flic vertueux dont la femme se fait massacrer, se fait tuer. Et on a, attention, The Big Show, le catcheur The Big Show, en fait, qui est une espèce de Ah masque. d'accord, Mais en train de ouais, chercher, mais c'est qui lui? et là, du coup, de son vrai nom, Paul White. Et en fait, pour le coup, la manière dont il est filmé, je trouve que on perçoit bien que le gars, c'est une masse, hein. C'est-à-dire que dans les vrais décors, tu vois, tu te rends compte que waouh, quand même, autant sur le ring, de toute façon, entre catcheurs, tu vois, tu sens bien qu'il est énorme, le gars, mais là, en fait, face à des gens plus ou moins normaux, c'est fou. Il y a un moment où il est une scène où ils sont dans la même pose, un plan où ils sont dans la même pose, lui et le mec qui fait le directeur de la prison. Et le mec qui fait le directeur de la prison, il a un physique très commun, tu vois. Et du coup, tu vois vraiment la différence de masse, quoi. C'est assez affolant, quoi. Et donc justement, celui qui fait donc The Big Show, lui, il a fait quelques trucs, il a fait quelques apparitions, il a fait des oui, parce que Dean Cain, enfin je reviens sur Dean Cain, lui, ces dernières années, il a fait beaucoup beaucoup de trucs, beaucoup de téléfilms, de TV, aussi bien des trucs genre des films façon Lifetime ou des trucs comme ça, romantiques, machin, enfin, il a fait tout. Et je crois que j'ai dû voir à la fin qu'il figure au bord de la NRA, ce qui, je trouve, ça un peu flippant, et du coup je pense que ça a dû axer sa carrière aussi, quoi. Donc The Big Show, lui, il a fait quelques trucs, il a fait des apparitions ici et là, tu vois, comme un peu pas mal de catcheurs que la WWE essaie de recycler dans d'autres domaines. L'an dernier, sa sitcom a été C'est pas distribuée sur... l'inverse plutôt. Quoi? C'est pas l'inverse, c'est pas eux qui essaient de se recycler dans d'autres trucs. Parce que Non, non, t'avais non, que c'est... la non, non, en WWE. fait, si tu veux, là, justement, en fait, ça sert la WWE aussi que leurs catcheurs, on les voit ailleurs. Ah, d'accord. C'est l'un et l'autre, hein, si tu veux, tout le monde a y gagné. Hein. Et c'est pour ça qu'en fait, la WWE a fait ses studios. C'est pour ça que ça s'appelle Entertainment, parce qu'en fait, c'est pas que du catch. Ils font aussi des stu ils ont aussi leur studio et il y a plusieurs films comme ça qu'ils ont produits et dans lequel tu peux Ça marche pas retrouver. pour d'autres. Hein. Comment? J'ai dit ça marche pour certains, ça marche pas pour d'autres. C'est Oui, quelques images, mais quelques après images, c'est. il n'y a pas de carrière. Ouais, mais c'est sûr, mais après, si tu veux, ça dépend de quelle direction de carrière tu prends. Donc ouais, et lui, en fait, il a eu sa sitcom qui a été distribuée sur Netflix l'an dernier. Donc il n'y a eu qu'une saison qui a été plus ou moins bien accueillie. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, enfin les critiques ont considéré que c'était pas un truc mauvais, mais c'était pas non plus la sitcom de l'année, quoi. Et donc il n'est pas prévu de la renouveler. Et donc là, dans le film qui date de 2015. D'accord. Et à part passer son temps torse nu, il fait exactement ce qu'il fait à la VVE pour les scénarios, parce qu'il est vraiment beaucoup torse nu dans le film en fait. En plus, je crois qu'ils ont dû lui faire des faux tatouages, parce que je n'ai pas l'impression que... Mais il a juste un meilleur jeu d'acteur justement. Mais sinon, c'est exactement ses personnages de la VVE. Hein. D'ailleurs, la tagline de l'affiche, c'est. Alors attends. La tagline de l'affiche, c'est préparez-vous pour Hell in the Cell. Hell in the Cell. Hell in the Cell, c'est des trucs de catch, exactement. C'est des émissions spéciales. Enfin, bref. Donc, dans le rôle du directeur de prison, il y a Michael Englund, qui lui, lui, il avait déjà joué pour les Sœurs Soska dans Sinon Evil 2, justement, qui était produit par la VVE. Il a aussi travaillé pour plusieurs prods VVE. Mais sinon, il a vraiment fait tout, c'est-à-dire des films, des séries, le moindre rôle le temps d'un épisode. Pas toujours bon, mais bon. Et faut bien faire les factures. Mais mine de rien, en fait, mine de rien, il a quand même joué chez Terry Gilliam. Et il était dans The Divide de Xavier Gence. Et il a joué aussi pour U-Ball. Hein, mais il fait souvent. Mais je te dis, il a vraiment tout écumé, le gars. Hein. Et il fait souvent les enflures, les méchants, les personnages chelous ou complètement tarés. Enfin voilà quoi. Et donc, le Big Show, en fait, c'est marrant parce que le Big Show, l'acteur qui joue le frère de The Big Show et Michael Englund, ils ont tous les trois joué dans la même série, Van Helsing. Mais alors, faudrait vérifier. D'ailleurs, ça se trouve, c'est aussi un truc qui a été produit par la BE, ça serait pas étonnant. Sinon, on a un casting qui est plutôt bien choisi pour les rôles parce que finalement, tout correspond bien, en fait. Michael Englund, il est dans son rôle habituel de mec un peu méchant. The Big Show, il est dans son rôle habituel, voilà, que je dis, qui ressemble beaucoup à ce qu'il fait dans le catch. Dean Cain, bah, c'est le héros typique, enfin voilà quoi. Le film, en fait, dans l'état d'esprit, c'est un film de revenge des années 80. Hein. Mais c'est juste dans l'état d'esprit, hein, pas dans la forme. La forme, elle est assez simple. Et son plus gros défaut, c'est quand même le scénario, je l'ai dit, c'est super Qu'est-ce que tu veux basique. dire par état d'esprit? Qu'est-ce que tu veux dire par état d'esprit? Bah, tu vois, t'as des plans, des trucs comme ça, vite fait, en fait, où je sais pas, c'est quand tu regardes, en fait, tu vois le truc, tu vois l'état d'esprit, c'est le film de flic, voilà. Tu vois le truc, quoi. C'est le truc typique, D'accord. basique, années 80. Son plus gros défaut, donc je l'ai dit, c'est le scénario, qui est assez basique, les ficelles sont simples, elles sont franchement pas positionnées. Bon, on voit quand même que c'est le premier du boulot du scénariste, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Son plus gros atout, je leur dis, c'est le travail effectué par les sœurs Soska et la vision qu'elles ont transmise dedans, quoi. On sent qu'elles ont bossé la direction d'acteur voilà, qu'elles ont essayé de tirer ce qu'elles pouvaient de ce qu'on leur donnait, quoi. Le Big Show, il joue pas avec ses tripes, mais il fait un job minimal honorable. Dinken, il est grave, il est contenu, sans faire ridicule. D'ailleurs, certains plans lui laissent pleinement le temps d'exprimer la gravité de son personnage. Il y a une bonne gestion des émotions de personnage. Et par contre, il y a des choix curieux dans la narration du film. À un moment, on a l'impression que d'une ellipse, tellement on n'a pas vu la progression d'une situation. Et du coup, à ce moment, on manque de frais, ça manque de bois frôler les clichés ridicules, genre, c'est comme ça, elle a reposé là, le truc. Mais bon, après, ça passe rapidement, c'est pas super important, quoi. Mais même au niveau de la musique, hein, c'est bien géré, elle est à la fois typique des films d'action, mais en même temps, elle sert le film sans en faire trop, quoi. On sent vraiment qu'il y a une volonté de pas s'arrêter au fait que c'est un film avec des acteurs de second rôle et de seconde zone avec un scénario médiocre et que les deux sœurs ont essayé de bien enrober ça. C'est Mais, pas du DTV, quoi. euh, comment? C'est pas du DTV, quoi. Bah, c'est entre les deux. C'est entre les deux. Et j'ai regardé les notes, en fait. Généralement, les gens trouvent ça assez moyen. Et c'est ça, en fait, hein. C'est un film moyen. Et je pense que s'il y avait eu un meilleur scénario, franchement, ça aurait pu donner un truc cool. Mais encore une fois, voilà, c'est, oui, le scénario, c'est vraiment le gros problème, quoi. On sait pas où ça va, souvent. Les motivations du directeur de prison sont à la fois basiques, mais floues. Et même celle du perso de Dinken, en fait, on sait plus s'il avait prévu ce qui se passe ou non, quoi. Enfin bon, c'est pas une boue, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est juste un film moyen. Voilà. On enchaîne avec, on avait dit, le survivant Nio. Oui, c'est moi le survivant. Surviving. C'est moi le survivant. Alors, nous retournons à Richard Matheson, enfin avec cette nouvelle adaptation de Je suis une légende. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure pour clore un peu le chapitre sur Vincent Price, tout ça, le survivant, donc, c'est notre ami Charlton Heston, qui découvre lors d'un retour en avion, il voit le bouquin, il le lit tranquillement, il dit, ah, c'est pas mal, c'est pas dégueu, ça ferait un bon petit film. Et il n'était pas au courant qu'il y avait eu donc le film avec Vincent Price quelques années plus tôt. Et donc il est en mode balèque, Charlton Heston. Il va faire le film totalement dégueu du truc. Il va le produire d'ailleurs. Donc c'est un peu un film un peu à sa gloire, on va dire. Et là aussi, qu'est-ce qu'on peut dire des acteurs? Eh ben écoutez, à part Charlton Heston, on peut pas dire qu'on connaît grand monde, quoi. Si, peut-être Anthony Zerbe. Anthony Zerbe qui joue l'opposant à Charlton Heston, qui joue Mathias, une espèce de secte. Mais sinon, pas d'acteur connu. Donc, c'est un film un peu à la gloire de Charlton Heston. Dans sa période où Charlton, il a fait La Planète des Singes, il a des psychotos, il aime bien montrer ses muscles, c'est un homme fort, viril. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on voit le survivant, ou tout comme le Neville du premier film, qui est joué par Vincent Price, c'est un homme qui est retranché dans son lieu. Mais autant Vincent Price, c'était une boutique modeste, avec de la barricade, une barricade en bois, de l'ail sur les murs, tout ça, etc. Et ces petits pieux qui faisaient à la main, qui taillaient avec le bois, avec une machine pour poncer. Autant Charlton Heston, c'est l'ancien colonel qui était dans la biologie, etc. Donc il avait travaillé sur un vaccin au moment où la pandémie arrivait. Et qui, lui, c'est une espèce de grandes maisons avec 5 étages où il a toujours vécu, et un ascenseur privé, il a ses tourne-disques, il a son petit confort, il a sa génératrice d'électricité, il a son armurerie avec ses fusils, tout ça. Enfin voilà, c'est presque limite un château fort. Et quand on se rappelle le Charlton Heston tout vieillissant dans Bowling for Columbine à la fin des années 90, comment ne pas voir ce qu'est devenu Heston vieillissant qui est aussi retranché à l'écart du monde dans sa forteresse un peu qui n'accepte plus de voir les gens ni rien. C'est voilà. La coïncidence m'a fait tiquer un peu. Alors après, de là à dire que Charlton Heston vieillissant est devenu le survivant entre guillemets face à la méchante société actuelle, il n'y a un pas que je ne franchirais pas. Que je pourrais, mais que je ne franchirais pas. Donc, à nouveau, donc l'adaptation de une légende de Matheson et une adaptation qui est une belle grosse trahison, encore plus que le film avec Price, mais dans le sens où ça trahit le roman pour partir vers autre chose. Là, cette fois-ci, par exemple, c'est plus des zombies, c'est une espèce de vampires, mais qui sont tous un peu albinos à cause de la maladie, donc ils ont tous la peau blanche, même des blacks, avec Oui, c'est des vrai. unités qui leur donnent des. Bon, les lentilles, c'est des lentilles, évidemment, mais eux, ils appellent ça les stigmates. Mais voilà, ils se sont un peu regroupés comme une secte qui s'appelle la famille. La famille qui rejette l'ancien monde, etc. Tout ça. Ça, c'est intéressant parce que c'est une trahison vis-à-vis du roman de base. Et en même temps, ça revient au roman de base de Matheson où je ne vais pas trop spoiler, mais Neville s'apercevait à la fin qu'il y avait une nouvelle société de vampires qui rejetait l'ancien monde, ainsi que les espèces de vampires tout mous, etc., qu'ils éliminaient d'ailleurs eux-mêmes de leurs mains, etc., pour vraiment, pour faire une société neuve, assez inquiétante, assez glaçante, une nouvelle humanité. Et ça reprend cette idée. Donc ça trahit à la fois le roman et le film qui a précédé, tout en étant un petit peu proche de l'essence du truc, quoi. C'est vraiment intéressant. Alors, en plus, c'est un film qui est rythmé, c'est groovy, il y a une excellente musique un peu soul, funk, avec même un morceau de Thelonious Monk au jazz, donc le gnaut qui aime le jazz est content. La photographie est magnifique, photographie très 70s, mais avec des couleurs chaudes comme je les aime. Il y a parfois des plans à la grue, tout ça. Le montage est beaucoup mieux que le film avec Price. Il y a même des plans pour montrer un peu le côté un peu inquiétude, des plans qui sont pas cadrés, tu vois, qui sont un peu décadrés, un peu de penchés, de biais. Par exemple, à un moment, il voit que le jour baisse, il s'aperçoit, ah merde, c'est l'heure de rentrer. Bon, je dis en plaisantant, c'est le confinement, le couvre-feu. Mais voilà, et ce genre de plan complètement hors du, tu sais, le cadre qui pense, qui montre bien, notamment que le personnage il est inquiet, tout ça, quelque chose de pas net. Tout comme le film de Vincent Price, c'est un film qui anticipe, dans le sens où, voilà, Le Survivant tourné en 71, il sortira le 24 novembre 71 dans les salles françaises, et c'est un futur qui est très proche, qui se déroule en 77. On voit un calendrier tout plein de toiles d'araignée, on est marqué 75, 76, 77, ils sont barrés, avec un poster de jeune fille, une pin-up, qui est un peu anachronisme, pour le pauvre Charlton Heston, c'est une peinture un peu des années 50. Et le film avec Vincent Price, c'était un film qui tourne en 64 et qui se déroulait quelques années plus tard en 67-68. Donc c'est à chaque fois une catastrophe qui arrivait, pas si loin que ça. Et je pense que le film avec Will Smith, dans mes souvenirs, il date de 2007. Ça doit être un film avec un futur récent, il doit être dans 2010, 2014, 2015, etc., avec la pandémie. Donc ça, c'est aussi une bonne idée. Mais en même temps, je trouve que ça date un peu le film. J'aurais préféré qu'on dise que c'est un film dans le 20e siècle et qu'on dise pas la date exactement, un peu comme Le Monde, la chèvre et le diable, où là, il y a le péril atomique, donc on sait que c'est un film qui est dans les années, fin des années 50-60, mais il n'y a pas la date. Ça pourrait très bien arriver à l'époque actuelle, on changerait juste à nouveau le fléau, etc. Il y aurait peut-être autre chose qui nous tomberait sur la gueule. D'ailleurs, là, pour revenir sur le film qui appartient à son époque, là, effectivement, contrairement au film avec Vincent Price, là, le péril atomique est pleinement nommé. C'est-à-dire qu'il y a un flashback à un moment dans le film, et Heston se rappelle, il y a eu des missiles qui ont été tirés du RSS, donc c'est dit ouvertement, c'est un produit de son temps avec la guerre froide, et les missiles en question contenaient des bacilles, etc. Et voilà, donc les missiles ont tombé, peut-être pas forcément aux États-Unis, mais le fait, c'est qu'ils ont merdé. Ils ont merdé, hein. La Troisième Guerre mondiale, on l'a eu dans le cul. Sauf que c'était pas des trucs atomiques, c'est des bacilles bactériologiques, une guerre bactériologique. Là aussi, je trouve que le film est intéressant parce que ça reste de la série B de science-fiction, mais à l'époque, dans les 70, j'ai pas souvenir qu'on parle beaucoup de la guerre bactériologique, qu'on parle encore quand même pas mal du péril atomique. Voilà, même si on est en train un peu de tourner la page. Puisque Charlton Heston, lui-même dans les 70, qu'est-ce qu'il va tourner juste après? Soleil vert. Et Soleil vert parle beaucoup plus des problèmes à venir. C'est pour ça que Soleil vert est plus un chef-d'œuvre que le survivant, quoi. Soleil vert anticipe beaucoup plus les problèmes de l'humanité à venir, quoi. D'ailleurs, on est un peu dedans, même dans l'époque un peu soleil vert, si on regarde un peu. Bon, on va pas trop être noir. Alors que dire de plus aussi, il y a des petits effets spéciaux discrets, avec les effets de lumière, tout ça. Il y a un petit côté blaxploitation dans le film qui est bienvenu, parce qu'il y a une actrice qui est un peu avec le look Pam Grier, qui apparaît dans le film, au milieu du film. Mais ça reste quand même un peu survivant. Le survivant dans le sens où, ouais, je vais pas trop spoiler, mais il va s'injecter un vaccin expérimental au moment où il fait un crash d'hélicoptère. Sinon, il allait périr dans les minutes qui viennent. Et apparemment, c'est le seul homme qui, dans le sang, disposerait de l'immunité totale. C'est-à-dire que les autres survivants humains qui n'appartiennent pas à la famille, une espèce de secte encapuchonnée, qui ont des yeux bizarres, qui voient très bien maintenant de nuit, comme les chats, ce reste des humains qui peuvent se déplacer le jour, tout ça, mais qui sont avoués à périr de maladies, un peu comme quand on est séropositif, avec l'épée de Damoclès toujours au-dessus d'eux. C'est-à-dire qu'ils pourraient muter n'importe quel moment. Ils n'ont pas de médoc, tout ça, etc. Et un jour du lendemain, ils pourraient muter et effectivement se retrouver comme ceux qui se une espèce de mutants qui rôdent la nuit près de chez Heston. Ouais, Et mais il y a aussi là, un autre. il y avait un Je vous truc, c'est dis. que Il y a quand même un peu tout au long du film, il y a une espèce de symbole un peu biblique, je trouve, dans le film. On J'y pourrait viens, voir j'y aussi. viens. J'y viens, mon cher Nelson, j'y viens. D'accord, désolé. Justement. Non, non, c'est intéressant. Parce que l'aspect biblique n'est pas du tout dans le roman. Et Matheson, elle est, pour lui, Matheson, s'il y a une pandémie qui déclare que l'humanité doit être arrivée, ni Dieu, ni Bouddha, ni Allah ne pourront y faire grand-chose, l'humanité va disparaître. Voilà. Au moins, c'est D'accord. radical, mais au moins, ça mérite d'être clair. C'est vrai. Dans le film avec Price, il y avait effectivement un aspect biblique parce que, ah, je ne vais pas spoiler, mais la fin, voilà, la fin. Ah, c'est là où je voulais en venir. Voilà, je ne vais pas trop spoiler, et le survivant a le mérite d'être un peu plus ambigu, un peu plus ambigu que le film avec Price, et un peu plus ambigu et un peu plus de recul que le film avec Will Smith, justement. Il y a une réplique dans le film, à un moment, une gamine qui lui parle, et il lui dit, et ça c'est très clair, il lui dit, es-tu Dieu? Et il y a la nana à côté avec le loup qui répond avec modération, qui dit, voyons, déjà, s'il est un bon médecin, avant de le promouvoir. Voilà. Avant de Ouais. promouvoir le prophète, il faut quand même qu'il fasse ses preuves. Rien à voir avec le film beaucoup plus tard avec Will Smith, avec la nana qui va venir chez Will Smith en disant, c'est Dieu qui m'a guidé chez vous. Oh putain! Ouais, ça c'est vrai, ça part Voilà. en couille. Ils Ça peuvent part pas en couille. s'empêcher d'y coller des trucs de Dieu, c'est-à-dire que c'est vraiment. Là, pour le coup, tu vois, si on peut comparer avec un truc apocalyptique de ces dernières années voilà, qui s'est popularisé, c'est Walking Dead, et à aucun moment, on ne parle pas tellement de Dieu, quoi. Et à un moment même, le personnage du prêtre, il est complètement. On sent qu'il perd pied par ça aussi, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est vraiment une Bien sûr. question Et d'époque, quoi. j'ai envie de dire, c'est pas forcément que lié à l'Amérique. À chaque fois quand l'être humain va vaciller, c'est souvent en partie vers la foi vers laquelle il va se tourner. Oui, Et mais ça eux, peut c'est dans trouver leur quelque chose qui est constitution, en désagréable. fait. Oui. Il y a aussi ce côté, effectivement, qui est lié à l'histoire américaine. Heureusement ou malheureusement, on va pas trancher. Mais le fait est que j'ai trouvé que le survivant était un peu plus ambigu sur l'aspect de la religion que ce qui a précédé avant, qui peut être peut-être un peu lourd quand on voit la fin du film avec Vincent Price, et qui peut être extrêmement méga lourd quand on voit le film qui va suivre après, beaucoup plus tard. Donc voilà. Mais c'est et je trouve ça intéressant parce que c'est un film qui prend beaucoup de liberté du survivant, notamment avec le bouquin, donc notamment le bouquin ce qui est précédé. Mais il retourne les trahisons pour en faire une bonne série B qui assume totalement d'être décomplexé, groovy, et que la musique cool, Charlton Heston un peu en surhomme. Ça fait partie du truc, mais c'est totalement assumé. C'est beaucoup plus rythmé, tout ça, etc. Donc, c'est une bonne trahison en un sens. Et, en plus, comparé aux deux autres, c'est un bon film. D'accord. C'est vraiment parce Donc voilà, que. je m'attendais à rien, je m'attendais à rien, et j'ai été très surpris par les nombreuses qualités du film. D'ailleurs, la BO, là, je vais pouvoir me la réécouter sur YouTube. Je crois que j'ai retrouvé les trucs. Je vais pouvoir me la réécouter tranquillement et je vous la conseille. Donc voilà pour le survivant avec Charlton Heston, alias The Omega Man. Yes. D'accord, bah c'est marrant parce qu'en fait. Sur la qualité du film, j'avais surtout entendu. Enfin, moi, je l'avais vu, j'avais trouvé pas si mal aussi, mais j'avais plutôt vu des gens qui aimaient pas trop, en fait, et je comprenais moyennement pourquoi, mais bon. Bah oui, bah non, non, c'est compréhensible. D'un côté, on a le roman qui est un putain de chef-d'œuvre, voilà. Et on a les trois versions qui suivent, qui sont potables. Enfin, potables. Les deux premières sont potables. La troisième, d'ailleurs, la seule chose que je sauve du film avec Will Smith, c'est le fait d'avoir repris New York complètement vide. Parce que dans le film avec le survivant de Charlton Heston, c'est tourné à Los Angeles. Et ça reprend la même technique que Le Monde, la chair et le diable, le film avec Harry Belafonte dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que Le Monde sur le diable, il avait tourné dans New York à 5 h du matin ou 4 h, donc il commençait à faire jour, surtout en plein été, mais il n'y avait personne dans les rues, ce qui donnait l'impression de New York déserté. Là, c'est Los Angeles qui est complètement déserté pour le survivant, et c'est à nouveau une idée de ville désertée où on tourne avec voilà, ou à défaut, on peut utiliser l'ordinateur pour supprimer les gens à l'écran. Mais voilà, on reprend cette bonne image d'une ville complètement délabrée dans le film avec Will Smith, mais c'est pour moi celui du bon du film. Il y a un truc intéressant aussi, c'est que dans le roman, il y a un chien qui était retourné à l'état sauvage, qu'il arrive à sauver. C'est un des meilleurs passages du roman. comment on dit, réduque, non, comment on dit, Nelson, aide-moi. Rapprovisionne? Non, non, non, il va le domestiquer, il va le redomestiquer. Voilà. Réapprivoiser. Réapprivoiser, c'est ça. Et dans le roman, il va réapprivoiser le chien. On peut s'imaginer être un chien de grande taille, peut-être un berger allemand, tout ça, etc. Dans le film avec Vincent Price, on a quoi? On a un petit fox terrier qui rôde, tout ça, qui est blessé, tout ça. Donc Vincent Price le récupère, soigne ses blessures. Mais à son après, Vincent Price a éliminé le chien. Ok, bon. parce que dans le roman, en fait, le chien, il était contaminé aussi. Et il commençait à montrer des signes de dégénérescence, tout ça. Il commençait à devenir agressif. Et voilà, bon. Mais dans le film avec Charlton Heston, t'as plus de chien. Ils ont pas voulu s'emmerder. Hein, ils ont pas voulu s'emmerder. Il s'est dit, si je mets un chien, ça va faire pleurer tout le monde. Il faut que les gens ils pleurent pour moi, Charlton. Ah. Donc, voilà. Ils auront introduit après le chien. Pardon? Ils auront introduit le chien dans celui de Will Smith. Alors, dans celui de Will Smith, etc., ils partent du principe que Will Smith, son chien, il l'a gardé depuis le début. C'était un chien qu'il avait déjà avant la pandémie, tout ça. Dans mes souvenirs. Hein. Ouais, et puis après, le chien, bah là, le chien, il s'est attaqué par les espèces de zombies à la con, dans le Will Smith, etc. Bon. Donc, en fait, et ce sera ma conclusion, pour l'instant, il n'y a aucune des versions qui étaient filmées. C'est un comble. Ça fait trois fois qu'ils font le film. Ça fait trois fois qu'ils n'arrivent pas à produire un truc similaire du chef-d'œuvre. Alors que, putain, tu reprendrais l'histoire de base, sans rien changer, t'aurais un putain de monument. Mais à chaque fois, c'est soit « Ah mais oui, mais on a un film fauché avec Vincent, on va le tourner en Italie, etc. Tant pis, on n'a pas d'idée, ça va pas se voir. » Mais si, ça se voit, malheureusement. Après, ça va être « Ah mais je m'appelle Charlton Heston, j'ai beaucoup aimé ce bouquin, je vais l'adapter avec à mes conditions. » Ah bah oui. Encore que, voilà, comme j'ai dit, le survivant, il est cool. Et puis après, c'est « Oh, je m'appelle Will Smith, le roman, là, pas mal, je vais l'adapter à ma condition. » Non, oui, c'est vrai que pour le coup, en fait, c'est là qu'on voit que de l'influence d'avoir un mec trop qui veut trop se mettre en avant par rapport à l'histoire. Ce serait un film parfait pour, je sais pas, si Spielberg tournait le film, quand on voit Duel, quand on voit d'autres trucs, si Spielberg tournait le truc, même La Guerre des Mondes, Spielberg, d'accord, la fin du film est différente de la fin du bouquin, mais il arrive à garder les mêmes noirceurs, etc., qui est assez proche du bouquin de Wells. Spielberg aurait fait un réalisateur parfait pour suivre une légende. Bon, il aurait fallu qu'il garde la fin du bouquin, et là, je ne vais pas spoiler, elle justifie totalement le titre de suivre une légende. À la limite, le titre du survivant, parce que tu comprends que Charlton Heston est survivant, ils n'ont pas voulu s'embêter, tout ça. The Last Man on Earth, tu sais. Ouais, bon, ok. Mais par contre, je suis une légende avec Will Smith, etc., le titre du film ne justifie en rien la fin, et la fin n'est jamais justifiée par le truc. Voilà. Parce que la fin du bouquin, voilà, je termine, je sais que Cato, elle attend. La fin du bouquin est assez tragique, et elle justifie tellement le titre dans les dernières pages. Et voilà, il faut avoir des couilles de la tournée. Voilà, et pour l'instant, voilà, et on attend, et peut-être qu'un jour on aura une quatrième adaptation qui sera ultra fidèle. Et ultra radical, parce que le bouquin il est frontal et pour l'instant ils n'ont pas trop eu les couilles. D'accord. Voilà, voilà. Du coup moi j'ai enchaîné avec parce que cette semaine on a eu donc vendredi on a appris les décès de Christopher Plummer. Du coup je me suis dit bah tiens, ok, il y avait le truc comme quoi il avait remplacé Kevin Spacey dans je crois que c'était Tout l'argent du monde, je pense, comme ça. Oh, j'avais oublié ça. Ouais, et bah du coup en plus genre en 15 jours et hop, elle est remplacée, tournée, machin. Du coup, il lui avait filé même un prix, je crois que je sais plus si c'était Golden Globe, je sais pas quoi, enfin bref. Ouais, c'est super, quoi. Voilà, et du coup, je me suis dit, mais du coup, c'était quoi son film? C'était pas ça, quand même. Et j'ai regardé, et outre une voix, apparemment, sur un film qui est pas encore sorti, son dernier film, c'est L'Ultime Sacrifice de Todd Robinson, qui est de 2019, ah c'est cool, non 2020, 2020, et il est disponible sur Prime, et du coup c'est là que tu vois, enfin t'as un paquet de films Corée à une époque qui serait sortie vraiment au cinéma. Enfin, c'est assez flagrant, hein, je trouve, hein, sur tout 2020. Enfin bon, j'en ai déjà parlé, mais bon. Et qui sont surtout juste sur plateforme. Je serais curieuse de savoir s'il y a une sortie en salle aux États-Unis. Donc le pitch, c'est fin des années 90, un jeune cadre de Washington se voit attribué d'enquêter sur l'attribution de la médaille d'honneur au soldat William Pitzenberger, mort au Vietnam. Elle a déjà été refusée et à la place, on lui a de décerner une décoration moindre. Il y a certains documents, donc ses potes de l'époque et un de ses compagnons d'armes et des gars qu'il a sauvés, en fait, se battent pour qu'il ait cette médaille depuis 30 ans. Et certains documents bah, qu'il a demandé ont disparu. Et du coup, le jeune cadre, d'abord à contre-cœur, il va devoir aller interroger les personnes du bataillon que le soldat a sauvé. Donc c'est un sacré casting en fait pour un réalisateur donc Todd Robinson qui a fait essentiellement du documentaire et un film avec Salma Hayek, assez léger quoi. Mais il a fait beaucoup de documentaires sinon tu vois donc je trouve ça Bien sûr, quand parce que quand tu dis ça, on dirait que genre le film avec Salma Hayek qui était très mineur, très. même. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Attends, non mais le film. Attends, le film avec Salma Hayek. Attends, je vais le retrouver parce que sinon on va Pardon. m'accuser d'être mauvaise langue. Attends, c'est. Non mais voilà, lui, il va pas s'arrêter. Ça y est, il est cuit. Ouais, il est parti. Donc, ça y est, tu te Excuse-moi. rends malade même. Donc, ça s'appelait Cœur perdu. Est-ce que tu te souviens de ce film ou pas? Bref. Sinon, il a Non, je fait, regarde pas. voilà, il a fait un autre Vas-y, film. continue, Il a fait un autre continue. film qui s'appelait Fantôme en 2013. Fantôme. Ouais. Attends, c'était avec qui Fantôme? Parce que du coup, j'ai regardé pour Cœur perdu, c'était avec. Ah, bah, c'est marrant, c'était avec Ed Harris. Et Ed Harris joue, justement, dans L'ultime sacrifice. Comment s'appelle le film avec Salma Hayek, pardon? S'appelle Cœur perdu, je crois. Ok. Ouais, non, Cœur perdu, tout court. Et D'accord. il va se mettre en recherche, là, c'est pas. Il va se mettre en film. Et donc, sacré casting, je disais, parce que c'est un gros, gros morceau de casting. Donc, en premier rôle, on a Sébastien Stan. Ah Qui fait le jeune oui. cadre, voilà, que bah, forcément on a vu ces dernières années dans les MCU en tant que Bucky Barnes et Winter Soldier, mais pas que, hein, je veux dire, enfin, c'est justement, c'est. Moi, la première fois que je l'avais vu, c'était dans une série. Déjà à l'époque, il était vachement entouré. Attends, c'était quoi cette série déjà? Parce que j'avais pas prévu d'en parler. Voilà, Political Animal. Qui a eu quelques épisodes et qui a pas eu de suite, mais c'était vraiment une série plutôt sympa. Ensuite, on a Samuel Jackson qui est pas dans ce rôle de Samuel Jackson habituel en fait, parce que là il fait un vétéran et que du coup bah il est plus en retenue, puis il fait vraiment le vétéran qui a été touché par la guerre. D'ailleurs, je crois que ça devait être Laurence Fishburne à un moment avait été évoqué pour le même rôle. Ensuite, on a donc outre Sébastien Stan, on a William Hurt, on a Ed Harris, donc je l'ai dit. Ah oui. Du coup, en fait, dans le rôle des parents du soldat Pittsburgher, on a Diane Ladd et Christopher Plummer. Ah, quand même. Voilà. Et donc, Christopher Plummer, c'est son dernier rôle à l'écran. C'est aussi le dernier rôle de Peter Fonda. Parce qu'il est aussi Ah dedans. oui. Ouais. Et le film lui est dédié d'ailleurs à la fin, on voit dédié à Peter Fonda. C'est un casting. Ouais, c'est pour ça que j'étais étonnée quand j'ai vu que les gars avaient fait un autre documentaire. J'ai dit, waouh. En fait, le film, il est basé sur une histoire vraie. Celle du soldat Pittsburgher qui a sauvé une soixantaine de vies en fait par son héroïsme lors de cette bataille, l'habitat C'est quelqu'un qui aimait les burgers. non, Bravo. burger, pas burger. Ah merde, burger, d'accord. Ça Moi marche aussi j'ai pas, ça compris marche burger. pas, ça marche pas, les gars. Non, mais je te jure, moi aussi, j'ai compris le burger. Mais Et oui. donc, du coup, il a sauvé une soixantaine de vies lors de la bataille d'Abilene, je crois, ou d'Isabilene, je sais plus, au Vietnam. Et donc, forcément, bah, il y a tout ce qu'il y a du film de guerre dans le cahier des charges, c'est une ode aux valeurs américaines, au patriotisme, à l'honneur, à la famille. Et il s'agit de démontrer aussi. Oui, c'est ça. Et il s'agit aussi de démontrer à quel point cette guerre les hante encore, quoi. Elle les hantera peut-être toujours, ne serait-ce que par ceux qui sont pas revenus, quoi. D'ailleurs, à ça, c'était aussi le sujet d'A Five Blood de Spike Lee, sorti l'an dernier, quoi. C'est-à-dire, dans l'histoire, les mecs allaient récupérer le corps, non seulement un trésor, mais aussi le corps de l'un d'entre eux qui était mort là-bas. Et par contre, en termes de réalisation, c'est méga, méga classique. Et c'est dommage parce que du coup, en fait, ça donne vraiment l'impression que sur des sujets comme ça, il n'y a plus rien à proposer, quoi. Voilà, c'est juste, voilà, il y a un cahier des charges et puis basta. Et il y Parce a, que trois à chaque fois, quoi. ouais, il y a, bah, par exemple, dans le cahier des charges, tu as aussi l'introspection du personnage principal, tu vois, donc Sébastien Sai, Stéban Tian, Stan, pff, oh la vache, Tu vas y arriver, tu vas y arriver. qui va du coup bah, se découvrir investi par cette cause alors qu'au départ il voulait l'esquiver. Donc c'est un schéma classique. Il y a ce rapport continuel à la famille, comme si pour honorer les morts, il fallait les percevoir uniquement comme faisant partie de nos proches. Des morts, des moments tirent l'arme en fait. Voilà, un moment ou un autre, tu finis par accrocher, on fait ah, bon d'accord. Mais c'est fatalement tout le temps ça quoi. Et puis bah le drapeau américain qu'on a l'impression de voir en permanence dans un coin de l'écran, même s'il n'y est pas, tu vois, tu t'as l'impression de l'avoir quoi, comme une icône quoi. Et après pour le reste, rien à dire sur les interprétations. Voilà, avec un casting comme ça, de toute façon, on pouvait pas vraiment se tromper quoi. C'est pas, c'est, y a rien de, voilà, c'est un film bien. Mais c'est pas un super film parce qu'il propose rien de spécial, quoi. Il est littéral et je pense qu'il est vraiment fait que pour le marché américain pour moi. C'est vraiment, il coche que ces cases-là, quoi. C'est-à-dire que nous, enfin, on n'a pas vraiment de ce genre de film ici. Peut-être qu'on devrait, je sais pas. Les films sur retraçant la guerre, surtout sur la guerre récente en France, il n'y a pas des masses parce que La guerre c'est pas d'Algérie. le même. Ouais, mais justement, on n'a pas la même analyse des choses Oui, c'est en ça, c'est France que. et on n'est pas prêt à faire ce genre de choses. Ouais, c'est ça Ouais, qui c'est ça, c'est-à-dire qu'eux, ils sont vraiment dans une histoire où il faut rendre hommage aux soldats, tout ça, et honorer les morts qui ont donné leur vie pour la patrie. Nous, on est moins dans ce truc-là, en fait. On n'est pas. Parce que déjà, là, des fois, on a eu les soldats là où on les a envoyés, c'était un peu sujet à controverse, quand même. Enfin, même là, la Vietnam, mais le problème, c'est que le Vietnam, ils savent qu'ils ont, qu'ils sont, qu'ils auraient pas dû y aller, mais au final, ils se disent toujours, oui, mais c'est pour la patrie. Alors que nous, on se dit, ah, ça aurait peut-être pas dû aller. Enfin, Non, mais bon. tu sais, ce qui est étonnant, c'est, enfin, si tu veux, sur les événements récents, mettons, sur la guerre d'Algérie, bon, t'as quoi? T'as Hors-la-Loi, mais celui où ça parle vraiment du côté des soldats, c'est l'ennemi intime, c'est le dernier que j'ai vu, quoi. Et l'ennemi intime, ça fait un bail. Sur la guerre, déjà, sur la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à faire des trucs sur la Seconde Guerre mondiale. Vraiment de manière pas héroïque qu'il y a quelques années, hein. Donc c'est pas, on n'a pas le même, il n'y a pas le même traitement du sujet aux États-Unis comme en France. Aux États-Unis, ils sont capables de faire un film sur le Vietnam 5 ans après le Vietnam. En France, c'est pas possible. En Alors France, que nous, on est c'est encore trauma pour bah ouais, plusieurs générations, quoi. regarde la merde qui s'est mangée par exemple Kassovitz quand il a voulu faire un truc sur la grotte d'Ouvert. Il s'est mangé la merde dans la gueule de la part à l'époque en plus des hommes politiques de droite. Parce que à l'époque je rappelle Bah, simplement, on c'est-à-dire était qu'il y en sous avait plein Sarkozy. qui étaient encore impliqués, qui étaient encore en Ouais, activité aussi, on donc. était sous Sarkozy, c'est ça que je voulais surtout préciser. Et le mec il s'est mangé de la merde de la part des hommes politiques. Puis derrière, après derrière, des militants politiques, etc., etc. Donc c'est encore compliqué de regarder notre passé. Cela même dégoûté un peu Kassovitz, quoi, elle-même. Ouais, c'est vrai, oui, il n'y a vrai. Pas que ça. Mais on ne va pas aborder Kassovitz non, parce que... Pas, ouais. Kassovitz, c'est un peu spécial. Mais ouais, et donc voilà, ça c'est vraiment typique. Je trouve ça un petit peu dommage que ce soit le dernier film de Christopher Plummer, en fait, d'être dans un truc assez bateau comme ça. Après, son interprétation, elle est vraiment très bien, hein, surtout qu'en plus, enfin, son personnage est un père qui donc a perdu son enfant il y a 30 ans au Vietnam, et qui, son dernier souhait, c'est de le voir avoir la médaille d'honneur avant de mourir de son cancer, quoi. Donc, il y a plein d'aspects comme ça. Il y a des trucs que tu peux pas dénier en termes d'émotion. Mais, tu sais, à force de montrer des trucs comme ça, de vraiment tirer vers la tristesse comme ça, au bout d'un moment, tu te dis, mais, ça fait quand même super surfait, quoi. C'est, ok, j'ai, enfin, il y a un truc gênant, au bout d'un moment. Mais bon. Voilà, mais sinon c'est pas un mauvais film. Voilà, c'est pareil, il est noté assez moyennement. J'ai regardé, enfin au-dessus de la moyenne, mais voilà, c'est pas, c'est exactement ça, ouais. Ça se regarde, quoi. Oui, ça se regarde tranquillement, quoi. Il y a pas, bah à force qu'ils les fassent, qu'ils savent exactement quoi faire pour ce genre de sujet, c'est des trucs que tu finis par regarder, tu vas l'oublier après, tout basta, quoi. Voilà. Mio, tu voulais évoquer vite fait le documentaire, non? On n'en a pas parlé au début, mais tu avais un documentaire que tu voulais évoquer vite fait. On peut évoquer, effectivement, on aurait vite fait, oui. Vas-y, surprise! Alors, surprise, surprise, j'ai vu aussi récemment donc un petit documentaire qui a été fait uniquement pour Netflix, qui s'appelle Have a Good Trip, sous-titré Un voyage psychédélique, qui est fait par Donny Carey, on va y arriver. Et c'est un petit documentaire sans prétention d'1 heure et demie qui raconte en fait, il y a pas mal de stars de la chanson, du jeu d'acteurs, etc., voire même réalisateur, Reggie Watts, celui qui avait fait Sorry to Bother You, si je ne m'abuse pas, voilà. Et qui donc qui viennent raconter un peu leur vécu vis-à-vis du LSD et d'autres drogues qu'ils ont pris. Il y a même un des membres des Beastie Boys. Et en fait, parce que le point de départ du pitch, c'est on a souvent dit que les drogues c'était dur, etc., que ça apportait des batteries, mais il y a peut-être des gens qui ont eu de bonnes expériences vis-à-vis de la drogue, etc. Bon, il y en a eu qui ont eu des mauvaises. Et donc, il y a pas mal de gens qui vont passer devant la caméra, notamment, ça commence d'emblée avec Sting. Alors Sting qui raconte qu'il était tout jeuneau, il part dans une ferme pour bosser. J'ai même eu la très très bonne idée de se shooter dès le début. Et on a servi à besoin de lui pour mettre bas une vache, sachant que si ça se passe mal, bah le veau qui allait naître, il va mourir. Et on allait perdre la vache aussi. Donc Sting qui aide pour l'accouchement de la bestiole, alors qu'il est complètement shooté, il se dit « Waouh, je tiens le sens de la vie et de la mort entre mes mains !» Ah oui, tu m'étonnes, là, putain, la vache. Nous avons Carrie Fisher, notre regrettée Carrie Fisher. Ah oui, elle, c'était pas un sucré, hein. Ouais, elle, Carrie Fisher, elle raconte plusieurs anecdotes. Elle, ah notamment, oui, l'anecdote que tu avais diffusée avec le... Oui, je me souviens. Oui, avec oui. LSD, donc, ouais. Il y a celle-ci, en fait, ils étaient partis prendre des vacances et elle consommait pas mal de LSD puisqu'elle, comme elle le disait, c'était John Belushi qui l'avait initiée. Et d'ailleurs, elle le dit, elle a jamais regretté parce que LSD, tout ça l'a permis de s'ouvrir, d'être au monde, etc., tout ça. Mais comme elle le disait en documentaire, elle était quand même un peu trop dans son rôle de princesse Leia. C'est pour ça qu'il y a des passages en dessin animé qu'ils mettent à chaque fois dans le documentaire pour illustrer les trucs qui sont assez marrants. Et même, il y a un passage où une actrice est grimée avec les cheveux façon de Leia pour la représenter elle dans un parc et elle racontait la vraie Carrie Fisher qui avait un gland qui commençait à bouger, qui allait commencer à lui parler. Donc là, on a une illustration visuelle avec une actrice qui est grimée un peu en princesse Leia et puis le gland qui lui parle, qui l'injure, etc. Je vois elle qui fait « What ?» Donc, il y a le gars des Beastie Boys à un moment, je sais plus son nom, qui raconte qu'il était dans le désert, enfin dans une voiture avec 3 belles nanas, et puis la voiture commence à les lâcher. Eux, ils sont tous les trois shootés, et lui, il voit une chouette blanche qui passe dans le ciel, il fait ah, « c'est un signe, on va s'en sortir !» Et il y a 2 gros cars qui arrivent, avec que des mecs baraqués à l'intérieur, et qui propose au gars de l'emmener, etc., dans un endroit pour changer les pneus, tout ça. Et les mecs, ils ont l'air louches, tu vois, c'est des gros mecs baraqués qui disent pas un mot, qui parlent très mal anglais et tout ça, parce qu'ils sont au Mexique. Donc lui, il dit au revoir au nana, il leur dit peut-être qu'on se retrouvera jamais, je vais peut-être mourir. Et ils y vont. Et en fait, c'est ça gravit les pentes d'une montagne. Et en fait, c'était un mec, un groupe de l'église confessionnelle, tous repentis, etc., qui l'ont aidé à changer les pneus, etc., en pleine nuit. Mais le docu, il faut le voir parce que non seulement il est assez drôle, à un moment il y a des trucs façon un peu comme ce que tu aimes bien, Nelson, via pas hip-hop, mais à un moment avec une vieille image comme si tu peux en obtenir pour des vieux clips au magnétoscope. Et il y a un mec qui raconte, qui explique: bonjour, bienvenue dans notre émission Bad Trip. Et aujourd'hui nous allons suivre les aventures de Emily qui va le prendre, qui va faire un bad trip. Et tu vois, je trouve trois, quatre jeunes qui ont une soirée et qui vont prendre des, il y en a une qui va prendre des drogues, etc. C'est très un peu comme les séries américaines Dawson, d'autres trucs, mais c'est tourné en dérision, c'est un bad trip. Non, c'est un documentaire assez sympa, c'est cool, qui apporte pas grand-chose sur les drogues, qu'elles soient bénéfiques ou négatives, mais qui permet quand même de se faire son point de vue avec humour. Ouais, tu prends pas position, qui permet de rigoler un bon coup, quoi. Donc, c'est un bon petit truc, savoir sur Netflix. Voilà. D'accord. Bah, c'est cool Ok, alors. bah c'est cool. Ah oui, c'est cool. Okay, c'est bien de terminer sur une note positive. Donc ouais, bah on vous retrouve la semaine prochaine. Yes. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres acteurs qu'on ait perdus en chemin quand même. Ouais, Parce que là, rien n'est sûr. on est bien parti pour 2021. Super. Donc on va vous dire au revoir. À bientôt, à la semaine prochaine. À plus. Au Bah, vous voyez, c'est pas du chiqué, on est vraiment au téléphone, hein. Allez, revoir. au revoir.